À l'occasion de la journée de la fondation du Parti du Travail de Corée, la famille de Zhang Yuehuan, martyr révolutionnaire chinois anti-japonais, l'association des habitants du département d'Hiroshima d'amitié nippo-coréenne et Ibrahim Mantou, président de l'association d'amitié Nigeria-Corée, ont fait parvenir le vide courant les corbeilles de fleurs au maréchal Kim Jong-un.